Chapitre 21. L'expédition. Ce fut par une triste matinée qu'ils se mirent en route. Le vent soufflait avec violence et la pluie tombait à torrents. Des nuages sombres et épais voilaient le ciel. La nuit avait été très pluvieuse car de larges flaques d'eau couvraient çà et là les rues et les ruisseaux débordaient. Une faible lueur annonçait l'approche du jour, mais elle ajoutait à la tristesse de la scène plus qu'elle ne la dissipait. Cette pâle lumière ne faisait qu'affaiblir l'éclat des réverbères sans éclairer davantage les toits humides et les rues solitaires. Il ne semblait pas que personne fût encore debout dans ce quartier. Toutes les fenêtres étaient soigneusement fermées et les rues qu'ils traversaient étaient désertes et silencieuses. Tandis qu'ils gagnaient Bethnal Green, le jour parut tout à fait. Déjà nombre de réverbères étaient éteints. Quelques chariots se dirigeaient lentement vers Londres. De temps à autre, une diligence couverte de boue brûlait le pavé et le postillon, par manière d'avertissement, donnait, en passant, un coup de fouet au pesant charretier qui, en ne prenant pas la droite de la chaussée, l'avait exposé à arriver une demi-minute trop tard. Les tavernes, intérieurement éclairées au gaz, étaient déjà ouvertes. Peu à peu, d'autres boutiques s'ouvrirent aussi et on rencontra quelques passants. Des bandes d'ouvriers se rendant à leur travail, des hommes et des femmes portant sur la tête des paniers de poissons, de petites charrettes de légumes traînées par des ânes, des voitures à bras pleines de viande, des laitières avec leurs seaux, enfin une file continuelle de gens se dirigeant avec des marchandises de toutes sortes vers les faubourgs à l'est de la capitale. À mesure qu'ils approchaient de la cité, le bruit et le mouvement ne firent que s'accroître, et quand ils enfilèrent les rues situées entre Shoreditch et Smithfield, ils se trouvèrent au milieu d'un vrai tumulte. Il faisait grand jour, autant du moins qu'il peut faire jour à Londres en hiver, et la moitié de la population vaquait déjà aux affaires de la matinée. Après avoir quitté Sun Street et Crown Street et traversé Finsbury Square, M. Sykes prit par Chiswell Street, Barbican et Long Lane et atteignit Smithfield, d'où s'élevait un vacarme qui remplit Olivier de surprise. C'était jour de marché. On avait de la boue jusqu'aux chevilles. Une épaisse vapeur se dégageait du corps des bestiaux et se confondait avec le brouillard dans lequel disparaissaient les cheminées. Tous les parcs, au milieu de cette vaste enceinte, étaient pleins de moutons. On avait même ajouté un grand nombre de parcs provisoires et une multitude de bœufs et de bestiaux de toutes sortes étaient attachés en fils interminables à des poteaux le long du ruisseau. Paysans, bouchers, marchands ambulants, enfants, voleurs, flâneurs, vagabonds de toutes sortes mêlés et confondus formaient une masse confuse. Le sifflement des bouviers, l'aboiement des chiens, le beuglement des bœufs, le bêlement des moutons, le grognement des porcs, les cris des marchands ambulants, les exclamations, les jurements, les querelles, le son des cloches et les éclats de voix qui partaient de chaque taverne, le bruit des gens qui vont et viennent, qui se poussent, se battent, crient et hurlent, le brouhaha du marché, le mouvement de tant d'hommes à la figure sale et repoussante, à la barbe inculte, se démenant en tous sens, se coudoyant et se heurtant, tout contribuait à vous assourdir. Il y avait vraiment de quoi être ahuri. M. Sykes, traînant Olivier après lui, se frayait violemment passage au plus épais de la foule et faisait peu attention à ce tumulte qui était pour l'enfant chose nouvelle et surprenante. Deux ou trois fois, il fit un signe de la tête à des amis qu'il rencontra. Mais chaque fois, il refusa de boire avec eux le coup du matin et continua à avancer aussi vite que possible jusqu'à ce qu'il fût sorti du marché et qu'il eût gagné Hozier Lane et Holborn. « Allons, jeune homme, » dit-il d'un ton bourru en regardant l'horloge de l'église de Saint-André. « Il est près de 7 heures. Il faut tricoter des jambes. Ne va pas rester en arrière, au moins, paresseux. » Disant cela, M. Sykes secoua brusquement le bras d'Olivier et celui-ci, hâtant le pas, ou plutôt se mettant à trotter, régla sa marche de son mieux sur les grandes enjambées du brigand. Ils gardèrent cette allure rapide jusqu'au-delà de Hyde Park, sur la route de Kensington. Sykes ralentit le pas et attendit qu'une charrette vide qui venait derrière eux les eût rejoints. Voyant écrit sur la plaque « Hounslow », Il demanda au charretier, avec toute la politesse dont il était capable, s'il voulait bien le laisser monter jusqu'à Isleworth. « Montez, dit l'homme. C'est à vous, ce petit garçon ?»« Oui, répondit Sykes, en regardant Olivier de travers et en portant la main à la poche où était le pistolet. « Ton père marche un peu trop vite pour toi, n'est-ce pas, mon garçon ?» demanda le charretier en voyant Olivier hors d'haleine. « Pas le moins du monde, répondit Sykes. Il y est habitué. Allons, donne-moi la main, Édouard. Monte vite. » En même temps, il fit monter l'enfant dans la charrette. Le charretier lui montra du doigt un tas de sacs sur lesquels il lui dit de se coucher pour se reposer. En voyant se succéder sur la route les bornes posées à chaque mile, Olivier se demandait avec étonnement où son compagnon avait dessein de le mener. Déjà, ils avaient laissé derrière eux Kensington, Hammersmith, Chiswick, Kew Bridge, Brentford, et ils allaient toujours, comme s'ils ne faisaient que de se mettre en route. Enfin, ils arrivèrent à une auberge ayant pour enseigne la diligence à 4 chevaux. Un peu plus loin, la route était coupée par un chemin transversal. La charrette s'arrêta. Sykes descendit avec précipitation, sans lâcher la main d'Olivier. Puis il aida celui-ci à descendre, en lui lançant un regard furieux et en portant la main d'une manière significative sur la poche au pistolet. « Au revoir, mon garçon, dit l'homme. » « Il est honteux, répondit Sykes en secouant vivement le bras de l'enfant. « Il est honteux, ce petit nigaud. N'y faites pas attention. »« Non, certes, reprit l'autre en montant dans sa charrette. « Tenez, voilà le temps qui se met au beau. » Il fouetta son cheval et s'éloigna. Sykes attendit qu'il fût hors de vue. Alors il dit à Olivier qu'il pouvait regarder autour de lui s'il voulait, et ils continuèrent leur route. À peu de distance de l'auberge, ils tournèrent à gauche, puis à droite, et marchèrent longtemps droit devant eux. De beaux jardins, d'élégantes maisons de campagne bordaient la route. Ils ne s'arrêtèrent que pour prendre un peu de bière et arrivèrent enfin à une ville où Olivier vit écrit en grosses lettres sur un mur « Hampton ». Ils rôdèrent dans les champs pendant quelques heures. Ils revinrent enfin dans la ville, entrèrent dans une vieille auberge dont l'enseigne était effacée et se firent servir à dîner dans la cuisine au coin du feu. C'était une espèce de salle basse, avec une grosse poutre au milieu du plafond, et devant la cheminée, des bancs à dossier élevés, sur lesquels étaient assis plusieurs hommes en blouse, occupés à boire et à fumer. Ils regardèrent à peine Sykes, et nullement Olivier. Sykes, de son côté, ne fit pas attention à eux, alla se placer dans un coin avec son jeune compagnon, et ne fut guère importuné par la compagnie. On leur servit de la viande froide. Après le dîner, M. Sykes fuma 3 ou 4 pipes et resta si longtemps à table qu'Olivier commença à croire qu'il n'irait pas plus loin. Fatigué par une si longue marche et étourdi par la fumée du tabac, il s'assoupit et bientôt s'endormit profondément. Il faisait tout à fait nuit quand Sykes le réveilla brusquement. En ouvrant les yeux, il vit son compagnon en conférence intime avec un paysan avec lequel il buvait une pinte d'ale. « Comme cela !» « Vous allez au bas Halliford, n'est-ce pas ?» demanda Sykes. « Oui, répondit l'homme, qui semblait un peu échauffé par la boisson. « Ça ne sera pas long. Mon cheval n'est pas chargé pour retourner, comme il l'était ce matin pour venir. Et il fera la route en moins de rien, et bien content. C'est une fameuse bête. « Pourriez-vous me conduire jusque-là, moi et mon garçon ?» demanda Sykes en versant à boire à son nouvel ami. « Oui, si vous partez tout de suite, répondit l'homme. « Vous allez à Halliford ?» « Je vais jusqu'à Shepperton, » dit Sykes. « Je suis votre homme jusqu'à ma destination, » reprit l'autre. « Tout est payé, Rebecca ?»« Oui, monsieur a payé, » répondit celle-ci. « Dites donc, » fit le paysan du ton sérieux d'un homme qui a bu un coup de trop. « Ça ne peut pas se passer comme ça, entendez-vous »« Pourquoi ?» dit Sykes. « Vous nous rendez service. Vous m'épargnez le désagrément de rester ici en plan. Est-ce que cela ne vaut pas une pinte ou deux ?» L'étranger pesa mûrement la valeur de cet argument, puis donna une poignée de main à Sykes en déclarant qu'il était un digne homme. À quoi celui-ci répondit que c'était une plaisanterie. On eût pu le croire en effet si le paysan eût été de sang-froid. Après avoir encore échangé quelques politesses, ils souhaitèrent le bonsoir à la compagnie et sortirent, tandis que la servante rangeait les pots et les verres et venait, les mains pleines, se planter devant la porte pour les voir partir. Le cheval, à la santé duquel on avait bu, était devant la porte attelé à la charrette. Olivier et Sykes y montèrent sans plus de cérémonie, et le paysan, après s'être répandu de nouveau en éloges sur son cheval et avoir défié l'aubergiste d'en trouver un pareil, monta à son tour. Le garçon d'auberge prit le cheval par la bride, le mena jusqu'au milieu de la route. Mais à peine eut-il lâché la bête qu'elle se mit à faire un mauvais usage de sa liberté, à s'élancer de l'autre côté de la route et à se cabrer. Puis elle partit au galop et disparut comme un trait. La nuit était très sombre. Un épais brouillard s'élevait de la rivière et des marais alentour et se répandait sur les champs. Le froid était perçant. Tout était sombre et d'un aspect sinistre. Les voyageurs n'échangèrent pas une parole car le conducteur s'était assoupi et Saïx n'avait nulle envie d'engager la conversation. Olivier, blotti dans un coin, dévoré d'inquiétude et de crainte, croyait voir dans les arbres dont les branches se balançaient tristement autant de fantômes grimaçants au milieu de cette nature désolée. Comme il passait devant l'église de Sunbury, l'horloge sonna 7 heures. Une lumière brillait à la fenêtre de la maison du péage et la lueur se projetait sur la route, juste assez pour laisser entrevoir un if qui ombrageait des tombes. À peu de distance, on entendait le bruit monotone d'une chute d'eau et le feuillage du vieil arbre s'agitait doucement sous le souffle du vent de la nuit. On eût dit une musique monotone pour le repos des morts. Après avoir traversé Sunbury, ils se retrouvèrent sur la route solitaire. 2 ou 3 miles plus loin, la charrette s'arrêta. Saïx en descendit, prit Olivier par la main et ils se remirent à marcher. À Shepperton, ils ne s'arrêtèrent nulle part, comme l'eût désiré l'enfant épuisé de fatigue. Mais ils continuèrent leur route par de mauvais chemins, au milieu de la boue et des ténèbres, jusqu'à ce qu'ils aperçurent les lumières d'un bourg voisin. En regardant attentivement devant lui, Olivier vit que la rivière coulait à leurs pieds et qu'ils arrivaient près d'un pont. Au moment où ils allaient s'engager sur ce pont, Saïx tourna brusquement à gauche et descendit au bord de l'eau. « La rivière !» pensa Olivier à demi-mort de frayeur. « Il m'a amené dans ce lieu désert pour se défaire de moi !» Il allait se jeter à terre et tenter un effort suprême pour sauver sa vie, quand il vit qu'il s'arrêtait devant une maison isolée et en ruine. Il y avait une fenêtre de chaque côté de la porte délabrée et un seul étage au-dessus. Nulle apparence de lumière. La maison était sombre, dégradée et, selon toute apparence, inhabitée. Saïx, tenant toujours la main d'Olivier, se dirigea doucement vers la porte et poussa le loquet. La porte céda et ils entrèrent tous deux.